Le mouchard à biais. Nous trinquons. Les yeux de Nathalie me disent tant de choses. Qu'elle s'amuse comme une petite folle. Que cette situation imprévue ne peut que la ravir. Qu'elle m'aime et qu'elle a envie de faire l'amour. La séquence échauffement qu'elle vient de vivre n'y est sans doute pas pour rien. Je n'ai pas encore tout à fait récupéré de la demi-heure pendant laquelle je suis passé par toute la gamme des points d'interrogation. Je me surprends même à penser que j'aurais bien aimé que Mike soit un peu plus persuasif. Et arrive à la convaincre de le suivre derrière le rideau. J'essaie de refouler cette idée, mais elle ne me lâche pas. J'en suis profondément troublé, et mon visage le reflète sans doute. Nathalie s'en rend compte et se penche vers moi. Bien que j'en meure d'envie, désolé de ne pouvoir t'embrasser. Après tout, on ne se connaît que depuis 2 minutes. C'est une plaisanterie, bien sûr, et je le sais, mais j'ai été tellement stressé que, comme au volet, je ne résiste pas, et je contre sur un ton que j'aurais voulu moins grinçant. Ce qui manifestement n'était pas le cas de Mike. Le sourire est toujours là, mais le regard a changé. Dans ses grands yeux bleus, maintenant mi-clos, je lis tout à la fois amour et incompréhension, mais sur un fond d'inquiétude. Comme tu as dû le comprendre, je connaissais déjà ce monsieur. Mais la rencontre de ce soir est un pur hasard. C'est avec lui que j'ai découvert le salon oriental. Je pouvais donc difficilement les conduire sans un minimum d'égard. La danse et les baisers, c'était pour le remercier de la très belle soirée de l'année dernière. Elle s'accoude au comptoir et pose son menton sur sa main repliée. Elle me dévisage. Si ce sont les baisers qui te gênent, je peux te préciser que je lui avais dit qu'on ne passerait pas la soirée ensemble. Il est donc resté un parfait gentleman. Il n'a pas mis la langue. Et paf! En matière de contre, j'ai trouvé mon maître. Je savais déjà qu'il ne fallait pas trop chatouiller Nathalie. Cette reprise de volet n'en est que la confirmation. Si nous continuons sur ce chemin, l'ambiance risque de devenir électrique et je n'en ai vraiment pas envie. Je salue donc la réplique par un sourire, en fait un demi-sourire, mais en jugé par l'expression de Nathalie, peut-être n'est-ce même qu'une grimace. Son visage s'adoucit et elle me prend la main. « John, tu n'es tout de même pas jaloux. Bien que déstabilisé, je n'ai pas à chercher mes mots. »« Jaloux, non. J'avais juste terriblement envie que tu te décides à passer le rideau avec lui. » Mais une trouille bleue, que tu le fasses sans moi. Ses yeux s'écarquillent en 2 cercles presque aussi parfaits que son 2 sous-de-verre. Heureuse que tu aies envie que j'aille derrière le rideau avec Mike, mais sans toi. Qu'est-ce qui a pu te faire penser une chose pareille? J'ai un petit rire gêné. Je crois justement que le problème est bien là. Je ne pensais plus, j'étais en panique totale. Imagine un peu. L'homme qui t'aborde correspond en tout point aux critères que tu m'as décrits la veille. Dès la première minute, il apparaît que vous vous connaissez, et bien que je t'ai entendu lui dire que par principe, tu ne retournes jamais avec le même homme, tu pars danser avec lui et tu l'embrasses. Nathalie ferme les yeux. Elle a l'air vraiment triste. Lorsqu'elle les ouvre à nouveau, c'est pour me demander. Comment aurais-je pu faire ça sans t'avoir parlé auparavant et sans te demander de nous accompagner? Et si j'avais fait une chose pareille, toi, qu'aurais-tu fait? Je prends ses mains, embrasse le bout de ses doigts. Je t'aurais attendu. Là, je crois qu'elle va pleurer. Et pourquoi? Parce que je t'aime, Nat, tout simplement. Ses mains se crispent sur les miennes. John, my love, je te demande pardon et je la stoppe. Tu ne me demandais pardon de rien. C'est un pur hasard s'il était là ce soir. Et étant censé être seul, tu ne pouvais te comporter autrement sans te montrer désagréable. Ses doigts broient les miens, puis elle se ressaisit. J'ai droit à un sourire de ceux qui à chaque fois m'emportent le cœur. Je t'aime, John. Elle regarde autour d'elle. « Je te propose de prendre nos verres et d'aller nous installer à la table du fond et les finir tranquillement. » Elle fait un signe discret au barman. Petit conciliabule avec le maître des shakers qui, en échange d'un billet vert, ouvre le tiroir caisse et y prend une petite clé plate qu'il remet à Nathalie. Au passage, le billet a été escamoté dans la poche du gilet de celui qui, de toute évidence, est aussi le maître des clés. La table du fond, choisie par Nathalie, est exactement celle qu'il nous faut. Banquette d'angle dans le coin le plus discret du bar. Je pose nos verres sur la table et Nathalie sa pochette sur la banquette. D'un petit geste de la main, elle me fait signe de la suivre et me précède sur la piste. Sa démarche ondulante est déjà une danse, et lorsqu'elle arrive au milieu des quelques couples étroitement enlacés qui tanguent au rythme d'une musique douce, elle se retourne. Les autres cessent d'exister. Encore un pas et elle est dans mes bras. Or son sourire et ses yeux qui m'enveloppent tout entier dans une douce étreinte, la première sensation que j'ai est la chaleur de son corps contre le mien. La deuxième, son moelleux et sa douceur alliés à une fermeté de maintien qui, tant la chose est paradoxale, ne doit exister que chez elle. le même miracle qu'un barbizon se renouvelle. Les lois de Newton sont abrogées et mes pieds ne touchent plus le sol. Ils ne font que l'effleurer. Son visage, à quelques centimètres du mien, ses grands yeux bleus et son sourire si lumineux qu'il semble irradier une lumière intérieure, sont autant de représentations possibles du paradis. Je suis dans les bras d'une fée, et elle m'entraîne dans son royaume. Je ne sais combien de temps nous dansons ainsi. Je crois bien que nous n'entendons même plus la musique. Qu'importe, celle de nos cœurs parcourt nos corps. Elle est la seule qui vaille. J'ai la sensation étrange que nous ne sommes plus que des particules mêlées, volant dans la lumière. Cette sensation de dématérialisation cesse à la seconde où, baissant les yeux, mon regard plonge entre deux seins si beaux et si pleins que je ressens une brusque contraction au bas du ventre. De la façon dont Nathalie me tient serrée contre elle, je n'ai aucune possibilité de dissimuler l'état qui en résulte et lorsque je relève les yeux, c'est pour lire dans les siens qu'elle est déjà derrière le rideau bleu. Elle pose la tête sur mon épaule et je l'entends murmurer à mon oreille. Il ne va pas falloir trop tarder pour la visite. Je redescends sur terre. J'étais si bien. L'espiègle de Nathalie se colle à moi et me souffle. Je peux t'assurer que tu es encore largement très bien. Bien. Elle m'empoigne par la main et m'entraîne, récupère sa pochette au passage. Le rideau bleu nous escamote. Nous sommes dans une sorte de sas fermé par un deuxième rideau que Nathalie écarte pour déboucher dans un hall d'environ 8 mètres sur 4, sur lequel ouvrent 6 ou peut-être 8 alcôves, toutes fermées par de lourdes draperies. Les murs et le plafond sont tendus d'un fin tissu bleu nuit et une épaisse moquette de même couleur étouffe le bruit de nos pas. C'est donc à voix basse et avec un regard de braise que la coquine me souffle. Ce sont les coins câlins, apparemment tous occupés. Bruit évocateur et gémissement féminin indiscret confirment son propos. Elle m'entraîne vers la porte du fond, extrait de sa pochette la petite clé plate remise tout à l'heure par le barman, ouvre et me fait signe de passer. Ce n'est pas dans mes habitudes de précéder une dame et il me faut obtempérer. Le couloir dans lequel nous nous engageons est assez large. Sur des murs d'un bleu soutenu, l'éclairage tamisé est agréable et très apaisant. Une légère courbe et nous arrivons devant 4 portes. Seule celle de droite est entrouverte. Nathalie la pousse et me fait signe d'entrer. C'est une loge identique à celle que l'on voit dans les théâtres. Identique, enfin, pas tout à fait. À l'instar des loges de théâtre, elle n'est pas très profonde, 2 mètres tout au plus, mais l'ambiance y est fantomatique. La loge est presque entièrement plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lumière diffusant au travers de la grille du mouchard à biais qui donne sur le fameux salon oriental. Toute cette cloison n'est faite que d'une incroyable dentelle de bois. Rien d'autre ne nous sépare du salon. Le temps que mes yeux s'habituent à cette lumière diffuse, et je distingue une large banquette disposée à moins d'un mètre face à la grille. D'une légère pression sur mon coude, Nathalie m'invite à avancer, ce que je fais en tâtonnant. Je m'assieds près d'elle. Une fois assis, l'illusion est parfaite. Nous sommes littéralement immergés dans le décor oriental d'une pièce octogonale richement décorée et au centre de laquelle trône un liron jonché de coussins de couleur assortie aux tentures qui ornent les murs. L'éclairage, pourtant très doux, ne laisse aucune partie de la pièce dans l'ombre et au plafond une myriade de petits spots restituent l'ambiance d'un ciel nocturne clouté d'étoiles. Nathalie prend ma main et se penche à mon oreille, commentant la visite à voix basse. Le sol des loges, il y en a 3, est recouvert de moquettes. Murs et plafonds sont insonorisés par un revêtement spécial. Tout est fait pour que le couple qui occupe le salon ne voie ni n'entende ceux qui vont suivre leurs ébats. Je suis quelque peu perturbé. Tu as... Même dans la pénombre, le sourire de Nathalie est lumineux. Ses yeux pétillent. Oui, j'ai. Sur ce grand liron, avec Mike. Imitant Nathalie, je baisse la voix. Que des inconnus ne perdent pas un seul de vos gestes ne t'a pas déstabilisé un seul instant? Non. Enfin, un petit peu quand même. Mais après, c'était plutôt le contraire. À la fin, j'ai bien aimé. Tu connais mon côté exhibitionniste. D'ailleurs, comme je te l'ai dit, tu ne peux pas savoir s'il y a quelqu'un qui te regarde. Si ça se trouve, il n'y avait personne. En fait, tout est dans ta tête. Je ne sais pas. Je suppose que si j'avais pu voir les spectateurs, peut-être me serais-je enfui. Tu ne t'es pas enfui avec Gabriel. J'ai même plutôt le souvenir du contraire. Elle pose sa main sur ma joue et m'embrasse doucement. Sauf que tu étais là. Et que Gabriel n'était pas un fantasme, pas davantage un spectateur et que j'ai le cœur plein de nous trois quand je pense à lui. Elle me sourit tendrement, m'embrasse à nouveau et pouf. Aux yeux de la plupart des gens, je dois être l'incarnation de la lubricité. Tant pis, j'assume. Je la serre doucement contre moi. Non, pas tant pis, je dirais tant mieux. Si la Terre pouvait n'être peuplée que d'incarnations lubriques comme toi, nous serions encore dans le jardin d'Éden. Elle caresse doucement mes lèvres avec son pouce. Elle a tout à coup l'air timide, enfin, pas si timide que ça. Est-ce que tu voudrais que je te montre tout ce qui s'est passé sur ce lit? D'accord. Ce sera comme si j'étais à la fois avec toi et derrière le mouchard à biais. Lorsqu'après plus d'une demi-heure de folie, nous sortons du salon oriental et repassons par le bar, afin que Nathalie rende la clé, j'observe que Mike, toujours seul, n'a pas bougé de la place où nous l'avons laissé. Nathalie aussi l'a remarqué. Oh mon Dieu, Mike est encore là. Il y a de la culpabilité dans sa voix, et le regard désespéré que lui adresse Mike ne va sans doute rien arranger. Je chuchote à son oreille. Je ne voudrais pas que tu te sentes coupable de l'avoir éconduit. Va lui parler si tu veux. Je vais à la voiture. Prends ton temps, je t'attendrai. C'est comme si j'ôtais un poids de ses épaules. Elle retrouve instantanément son sourire. Merci John, tu es un amour. Je vais essayer de me faire pardonner. Une petite demi-heure et j'arrive. Une main sur sa taille, je la pousse du bout des doigts. Va, ne le fais pas attendre, sinon je crains qu'il ne te faille le réanimer, le bouche à bouche n'y suffirait pas. Ses yeux sont deux puits d'amour. Tu es mon miracle, John, je t'aime. Je l'embrasse et me dirige vers la sortie. Juste avant de franchir la porte du couloir, je jette un rapide coup d'œil. Mike se lève pour l'accueillir. La limousine est garée devant l'entrée. Fidèle à sa parole, le chauffeur est ponctuel. Il m'ouvre la portière. Merci. Madame arrive dans un petit moment. Je vais l'attendre. Vous pouvez retourner au volant. Impassible, il s'exécute. Bien, monsieur. Pour ne pas attirer l'attention, je monte et m'installe sur la banquette. La vitre entrouverte, je surveille l'entrée du bar. Un quart d'heure, une demi-heure. Les minutes passent, interminables, et toujours pas de Nathalie. Je commence à être inquiet et je suis sur le point de redescendre pour aller à sa recherche lorsque le cerbère en faction devant la porte s'efface. C'est elle. Elle s'arrête un instant, ouvre sa pochette, lui donne un pourboire et se dirige à pas pressés vers la voiture. Comme convenu, je reste dans le véhicule. Je la regarde avancer vers moi. Hormis le léger désordre de sa coiffure, rien n'a changé, surtout pas son élégante démarche de danseuse. Je regarde ma montre. Minuit et demi, un peu plus de 3 heures déjà que nous sommes entrés au Blue Velvet. La portière s'ouvre, Nathalie entre, s'assied près de moi et referme. Elle se penche vers l'interphone. Calé au chaud. 16-54, please. Il remet le commutateur en position réception. La limousine s'ébranle. Nathalie pousse un long soupir et toujours sans un mot vient se blottir contre moi. Je la serre dans mes bras et la respire doucement comme je le ferais d'une fleur fragile. Derrière l'oreille, le cou. Mais quelque chose a changé. Elle est crispée. Nat, quelque chose ne va pas. Ses adorables yeux au fond des miens, elle prend mon visage entre ses mains. Seigneur, c'est sûr, elle va pleurer. Nat, qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Elle essuie ses yeux d'un revers de main. John, j'ai honte. J'ai honte de moi. De grosses larmes roulent sur ses joues. Je sacrifie ma pochette. Je t'en prie, explique-moi. Que s'est-il passé? J'étais inquiet, mais ça va maintenant. Tout va bien. Elle renifle bruyamment. Non, John. Tout ne va pas bien. Je ne suis pas quelqu'un de bien et j'ai vraiment honte de moi. Je soulève son menton, caresse sa joue. Là, tu pourrais me dire n'importe quoi. Je te croirais, mais pas ça. Allez, calme-toi et explique-moi. Ok. Peut-être que je me sentirais moins mal. Je la serre tendrement contre moi. Tu n'as aucune raison de te sentir mal. Je t'aime. Elle prend une grande inspiration. Elle a une espèce de sanglot. Se mordit les lèvres et comme un torrent, sa parole se libère. Je pense que tu te doutes de ce qui s'est passé. Mike m'a offert un verre et nous sommes allés nous asseoir à l'écart au fond de la salle. Sans aucune arrière-pensée, j'ai choisi la table avec la banquette d'angle où nous étions tous les deux. Je voulais juste être tranquille pour lui parler. Lui a dû y voir un encouragement. L'expression de mon visage doit être assez éloquente, elle s'exclame. Non, je ne suis pas retourné derrière le rideau. Il rajoute en bredouillant. C'est peut-être pire. Là, je suis complètement perdu, mais elle ne peut m'empêcher d'essayer de la détendre avec une mauvaise plaisanterie. Pire? Ne me dis pas que vous avez fait l'amour sur la banquette. Bingo! J'ai réussi à la faire sourire. Non, bien sûr. Même au Blue Velvet, il y a des choses qui ne se font pas. Sur les banquettes, on se limite aux bisous. Elle reprend le fil de son récit. Je me suis excusé pour la manière dont je l'avais conduit. Il m'a répondu qu'il comprenait très bien, mais qu'il n'arrivait pas à renoncer à me revoir. J'ai dû lui expliquer que je partais après-demain, que je ne reviendrais pas à Miami avant longtemps et que surtout, j'avais quelqu'un dans mon cœur. Il n'a pas fait le lien avec toi et parut un peu surpris que je lui dise ça, alors qu'il m'avait vu m'éclipser derrière le rideau avec un homme et n'en ressortir qu'une heure plus tard. Il m'a supplié de lui laisser juste une chance de me revoir en me disant qu'il avait gardé un souvenir ébloui de ce moment passé dans le salon oriental en octobre dernier. Il m'a donné sa carte, me disant qu'il avait un voyage prévu en juin sur Paris, mais que si je l'appelais avant, il y serait en 48 heures. Elle m'a débité ses explications tout d'une traite. Elle allait ressouffler, plus que perdue. Tu sais que je déteste faire du mal à quelqu'un. Je lui dis que j'étais désolé, mais que je n'avais pas prévu qu'il tomberait amoureux de moi, et que pour cette raison, il était plus qu'essentiel que l'on ne se revoie pas. Elle se détache un peu de mes bras et me fixe droit dans les yeux. Tu ne devineras jamais ce qu'il m'a répondu. Non. Avec une drôle de mimique, elle se frotte le nez. Figure-toi qu'il a eu l'air totalement surpris. Il m'assurait que ce n'était pas le cas, que c'était purement sexuel. Il a rajouté. Le souvenir de votre corps est devenu une obsession. Je ris. Tu devrais être flatté. Elle fronce les sourcils et réfléchit un instant à ce qu'elle va dire. Non seulement je l'ai été, mais en plus, de la façon dont il m'a dit ça, avec un tel regard. Tout à coup, c'était comme si j'étais nu et qu'il posait ses mains sur moi. Eh bien, il est redoutable. Oui, tu peux le dire. Il a vu mon trouble et m'a aussitôt proposé de retourner derrière le rideau et... Son regard devient dur. Elle en bégayait. Et puis, il m'a avoué qu'il n'avait pas pu résister. Qu'il avait été dans une loge pour nous regarder et que ça l'avait rendu fou. Je cherche son regard. Là, c'est moi qui bégaye. Mais ce n'est pas possible. Il t'a fait marcher. Tu avais loué toutes les loges. Elle est vraiment furieuse. C'est exactement ce que je lui ai dit, alors ? Une grande inspiration, puis elle souffle doucement en fermant les yeux. Sa façon sans doute de retrouver son calme. Sauf que là, je n'ai pas trop l'impression qu'elle s'est calmée. L'air très content de lui, il a sorti une clé de sa poche et me l'a montrée. Je l'entends encore. Tout se négocie, et j'aurais vendu mon âme au diable pour revoir votre corps. Je n'en reviens pas, il en reste la bouche ouverte. Le regard de Nathalie s'est encore assombri. Elle a comme un sanglot. Tu vois, John, à cet instant, j'aurais dû le planter là. Mais j'étais prise d'une espèce de rage froide. Je n'avais plus qu'une envie, de lui faire payer, et cher. Je ne supporte pas que l'on dispose de moi ainsi. Deux larmes sur ses jolies joues. Nat, ne pleure pas, c'est normal que tu étais en colère. Sans doute. Mais la vengeance, non, ça n'est pas moi. J'essuie ses larmes d'un revers des pouces. Parce que tu t'es vengée? Oui, et j'étais odieuse. Malgré l'éclairage discret de la limousine, je note que ses joues et sa poitrine prennent une belle teinte rosée et que sa respiration s'accélère. Je n'ose demander ce qu'elle a bien pu dire ou faire, mais je n'ai pas à m'interroger bien longtemps. Je ne lui ai pas laissé voir que j'étais très en colère et je lui ai fait un sourire coquin, lui laissant croire que j'appréciais son initiative et que ça m'excitait. Je lui ai dit « Vous êtes redoutable, Mike. Je viens juste de faire l'amour et vous réussissez l'exploit de me redonner envie comme si rien ne s'était passé. » J'écarquille les yeux, je dois ressembler à un hibou. Je ne sais pas s'il est redoutable, mais là, il n'avait aucune chance. Elle me regarde, un peu gênée. Tu sais, j'ai été tout aussi furieuse contre moi. Surtout de t'avoir entraîné là-dedans. Enfin, tout de même, il n'avait pas mon consentement, mais encore moins le tien. Je prends son visage dans mes mains et du pouce essuie encore une larme. Oh, alors là, ne t'inquiète pas pour ça. Ce n'est pas la première fois qu'un homme voit mes fesses. Un sourire timide, sans les fossettes. Quel horrible châtiment lui as-tu infligé? Comme pour mieux se concentrer, elle prend mes mains dans les siennes. En fait, mon désir de vengeance s'est retourné contre moi. Me connaissant, j'aurais dû le savoir. Elle a comme un sanglot et poursuit. À la façon qu'il a eue de me regarder, j'ai vu que j'avais fait mouche. Et j'ai poussé mon avantage en collant ma cuisse à la sienne. Son réflexe a été exactement celui que j'escomptais. Il a mis sa main sur mon genou. Ma réaction est un chef-d'œuvre de concision. Ah. Je suis en train d'imaginer une bonne demi-douzaine de scénarios possibles. La crispation des mains de Nathalie sur les miennes et l'intensification des rougeurs de son décolleté ne contribuent pas à faire baisser ma tension, loin de là. Et Nathalie aperçut mon trouble, mais elle se méprend sur sa nature. Je crois qu'elle va de nouveau pleurer. Je caresse ses cheveux et picore son visage de bisous. Chut, calme-toi, Nat. Rien ne t'oblige à tout me raconter maintenant. Demain ? Elle ne me laisse pas poursuivre, se recule vivement. Ah non, sûrement pas. Crois-tu que je pourrais dormir si je ne te dis pas tout maintenant ? La limousine est arrêtée à un feu et malgré les vitres teintées, la lumière du lampadaire juste au-dessus éclaire en plein le visage de Nad. D'accord, d'accord, je t'écoute. Vers, la limousine redémarre et avec elle, le récit de ma blonde Némésis. Donc sa main n'est pas restée longtemps sur mon genou et je n'ai rien fait pour l'empêcher d'aller plus loin. Au contraire, je me suis penché vers lui et je l'ai embrassé. Un vrai baiser cette fois, avec la langue. C'était la première fois de ma vie que je jouais la comédie pour séduire un homme, alors que je n'avais qu'une envie, le gifler ou pire même l'étrangler. Elle tout saute. En une fraction de seconde, mes envies de meurtre se sont muées en une panique totale. Sa main venait d'atteindre l'eau de ma cuisse et... Je dois avoir l'air idiot. Et ? Elle se mordit les lèvres. Et je n'avais pas remis mon string. Il était resté dans ma pochette. Il en a immédiatement profité. Avant que je ne comprenne ce qui m'arrivait, sa main était sur moi. Elle prend une profonde inspiration. J'ai été tétanisé. Il a pris ça pour du désir. À vrai dire, il y en avait. Il y en avait même beaucoup. Dans ma tête, c'était un maelstrom. Il y avait ma colère qui décuplait mon désir et mon désir qui décuplait ma colère. Mon ventre qui ne m'obéissait plus et allait à sa rencontre. Toi qui m'attendais dans la voiture, lui qui m'a mangé la bouche, comme si c'était un bonbon, et sa main avec des milliers de doigts. Elle baisse la tête, fuyant mon regard. Pardon, John, mais pendant un instant j'ai oublié ma vengeance et j'ai vraiment eu envie. C'était une envie d'animal, amplifiée par ma colère. J'étais pris dans mon propre piège. Je l'interromps. C'était le cas ? Quoi ? Étais-tu vraiment prise au piège ? En tout cas, j'étais complètement déstabilisé. J'étais encore dans le tourbillon de sensations que je venais de vivre avec toi. J'avais le sexe en feu, et je me suis laissé faire. Dans ma tête, une succession de flashs. Nathalie, Mike, le baiser, les mouvements de la main sous la robe. Seigneur, l'air me manque. Une brusque crispation dans le bas du ventre. Nad se rend aussitôt au compte de l'état dans lequel m'a mis son récit. Il faut vite conclure. Elle prend mon visage dans ses mains. J'ai senti que je perdais le contrôle, que j'allais jouir, et j'ai réagi. Sur ce d'orgueil. Non, il n'en était pas question. Je n'étais pas sa chose. Je voulais vraiment lui donner une leçon. L'index sous le menton, je relève son visage vers moi. Elle a une expression que je ne lui connaissais pas. Une colère mêlée de tristesse. Je passe un doigt le long de sa joue pour la détendre. Ce geste l'apaise d'ordinaire. Le sourire qui me répond est un peu contraint. Elle pousse un gros soupir, reprend son récit. Je me suis écarté, lui faisant retirer sa main. J'ai rabattu ma robe, pris ma pochette et me suis levé avec un grand sourire. Il était certain que j'allais partir avec lui derrière le rideau. Il s'est levé à son tour et là je ne lui ai pas laissé le temps de comprendre. Ma main à plat sur sa poitrine, une légère poussée, et il est lourdement retombé sur la banquette. Laissant éclater ma colère, je lui ai dit « J'adore que l'on me regarde faire l'amour, ça m'excite terriblement, mais pas sans mon consentement. La prochaine fois que vous offrez ça à une femme, rappelez-vous, de lui demander d'abord la permission. » J'ai tourné les talons sans lui dire au revoir. Je n'arrive pas à oublier sa tête. Il avait l'air hébété, et surtout si triste. À travers la vitre teintée de la limousine, les lumières de la ville jouent sur le visage de Nathalie et accentuent les expressions de colère et de tristesse qui s'y succèdent. Ses yeux s'embuent. Je crois qu'elle va de nouveau pleurer. Je lui prends le menton. « Nat, calme-toi. » Elle me regarde au fond des yeux, en larmes, perdue, apeurée. « John !» Tu dois me prendre pour une malade. Jamais de toute ma vie je n'avais fait ça, me venger d'un homme en l'humiliant. En plus, il y avait ce désir qui me tordait le ventre et que je ne pouvais pas contrôler. Maintenant j'ai honte de lui avoir fait ça. Et j'ai surtout honte vis-à-vis de toi. J'ai le sentiment de t'avoir trompé. Je caresse sa joue tendrement. Ce sera peut-être le cas si tu ne m'avais rien dit. Or tu viens de tout me raconter. Du revers des pouces, j'essuie de grosses larmes. Ne pleure pas, Nat, parce que là... Ça ne vaut pas la peine. Tu veux bien que je t'explique comment je vois les choses ? Le regard un peu perdu, elle balbutie. Oui, oui, si tu veux. Je voudrais la prendre dans mes bras et la serrer contre moi pour la réconforter. Mais pour lui parler, il faut que je voie ses yeux. Je ne crois pas du tout que tu sois une malade. Nous en avons déjà parlé. À l'opposé, le fait d'avoir une très forte libido et de l'assumer te situe parmi les femmes bien dans leur corps et dans leur tête. Pas comme tous les coincés de la morale, dont je faisais partie il n'y a pas si longtemps. Ce qui s'est passé ce soir te bouleverse pour deux raisons. La première est que tu as fait du mal à quelqu'un. La deuxième étant que tu as résisté au désir que tu ressentais pour celui que tu voulais punir. La preuve, malgré ou peut-être même grâce à ta colère, tu avais très envie. Te souviens-tu ? Tu me disais que chez toi la colère était un puissant aphrodisiaque. Elle renifle un peu, essaie de ravaler ses larmes. Tu as raison, bien sûr, j'étais en colère. Mais je sais très bien que s'il s'est introduit dans une loge, c'est parce que dès le début, lorsque nous avons dansé, il a senti le désir que j'avais de lui et que je ne voulais pas admettre. Elle fait une moue boudeuse. Oui, mais enfin, s'il m'avait seulement raccompagné et dit au revoir, je serais reparti avec mon envie. C'est surtout de sa faute. Sa moue passe de boudeuse à penaude. Et beaucoup de la mienne. C'est vrai, il n'a pas été correct. Mais après, tout le reste est de ma faute. Je lui donne une pichenette sur le bout du nez. La seule chose que je regrette, c'est que tu te sois enfui avec ta frustration. En fait, c'est toi que tu as puni. Tu aurais dû lui dire ta façon de penser sur son comportement, mais ensuite, lui dire que tu lui pardonnais. Mais bon, c'est facile à dire pour moi. J'ai un petit rire désabusé. Nat me regarde, perplexe. Pourquoi ce rire ? Parce qu'en allant au Blue Velvet, ni toi ni moi n'avions prévu un tel scénario. Le plus stupide, c'est que nous n'avons même pas su en profiter. Je crois que nous avons manqué une belle occasion. Surprise, mon bel ange blond se fige et écarquille les yeux. Je caresse sa nuque du bout des doigts et là, je ne sais quel démon me souffle la suite. Imagine qu'au moment où nous sommes partis dans le salon oriental, tu sois allé le voir et que tu lui aies donné la clé d'une loge et que plus tard, tu lui aies fait signe de nous rejoindre. J'ai à peine terminé ma phrase que Nathalie a une réaction sismique. Son visage se crispe, ses lèvres se mettent à trembler. Elle porte une main à son sexe et serre violemment les cuisses tandis qu'un intense frisson hérisse sa peau de mille grains. L'intensité de son regard me pénètre jusqu'au cœur. Il y a dans ses yeux un amour et un désir infini. Sa voix tremble. « John !» John, oh John, comment fais-tu pour entrer dans ma tête ? Je la prends par les épaules, la tire doucement. Elle se laisse aller et vient se blottir contre moi. Avec toute la tendresse du monde, je caresse ses cheveux et lui souffle à l'oreille. Plutôt que dans ta tête, j'espère que c'est dans ton cœur que je suis entré. Ses lèvres et son souffle effleurent mon cou. Comment pourrais-tu en douter ? J'ai presque un orgasme là, quand j'ai visualisé ce que nous aurions pu vivre. Est-il possible que nous soyons fusionnels à ce point ? Puis immédiatement, j'étais stupide. Il aurait fallu que je t'en parle quand tu m'as rejoint au bar. Je n'ai même pas pensé. Mais comment aurais-je pu imaginer ? Il y a 2 mois, nous ne nous connaissions même pas. Maintenant, j'ai le sentiment que nous pouvons tout partager. Lorsqu'elle me regarde à nouveau, elle a les yeux brillants de larmes. J'ai envie de pleurer tellement je suis heureuse. Heureuse d'être dans tes bras, mais aussi malheureuse d'avoir fait du mal à quelqu'un de bien. Son seul tort est de n'avoir pas pu résister à l'envie de revoir mon corps pour ce qu'il pensait sans doute être la dernière fois. Elle a un rire amer. Pour une exhibitionniste, j'ai totalement dysfonctionné. J'effleure sa joue du bout des doigts. La nuit avec Gabriel était un moment de grâce, mais rien ne pouvait laisser présager qu'elle allait libérer nos fantasmes. Ses yeux sont un arc-en-ciel et qu'on ne vienne pas me dire que ce sont les néons de South Beach. Elle me regarde au fond de l'âme. C'était déjà chose faite à Barbizon. Mais aujourd'hui, j'en suis certaine, c'est avec toi que je vais les vivre. Le créneau est d'une précision incroyable. Pour ma part, je serais totalement capable de manœuvrer une voiture de ce gabarit avec autant d'aisance. Nathalie remonte la capote, coupe le contact de la Mustang et réajuste ses lunettes de soleil qui avaient glissé sur son nez. Nous y sommes. Un peu bruyant, mais sympa. J'espère que ça va te plaire. C'est une des meilleures cuisines de Little Havana. C'est tout juste si je peux entrouvrir la portière pour descendre tant qu'il y a foule. Les trottoirs sont encombrés comme sans doute ceux de Cuba, où tout comme là-bas on n'entend parler qu'espagnol. Alors que je me faufile entre les passants pour rejoindre Nathalie, elle a déjà passé sa veste et mis son sac en bandoulière. Il est plus de midi. Le soleil est à son zénith dans un ciel sans nuages. Une belle journée de février. Je la rejoins, lui prends la main et me laisse guider. La salle est typique des snacks américains, tout en longueur, avec un immense comptoir auquel la majorité des clients est attablée. Perché sur de hauts tabourets, il déjeune sur le pouce et s'interpelle bruyamment dans un espagnol que j'ai du mal à comprendre, tant les expressions et l'accent sont différents de tout ce que j'ai déjà pu entendre. Nathalie m'entraîne côté table, le long de la verrière qui donne directement sur le trottoir. Nous prenons place dans un coin relativement calme, sans toutefois pouvoir échapper au rythme de salsa qui nous accueillit dès l'entrée. À peine sommes-nous assis qu'une jeune serveuse vêtue à la mode cubaine nous tend une carte en forme de dépliant que Nathalie ne prend même pas la peine de consulter. Dans un espagnol aux consonances caribéennes, elle demande « Mon ami et moi aimerions goûter à chacun des plats. Serait-il possible d'avoir votre plateau spécial ?» Elle se lance dans une énumération de spécialités dont je ne saisis que quelques noms. À ma grande stupéfaction, avec un sourire et quelques mots dont je n'entends rien, la serveuse s'éloigne sans avoir pris note. Comment peut-elle se fier à sa seule mémoire lors même qu'elle prend la commande de la table suivante ? Sans doute une longue pratique. Nathalie prend mes mains dans les siennes. « J'ai commandé un assortiment de plats afin que tu puisses goûter un peu à tout. N'hésite pas à laisser ce que tu n'aimeras pas. C'est une séance dégustation. Ah, pour la boisson, j'ai pris une spécialité cubaine sans alcool. Ça peut surprendre un palais français, mais tu verras, c'est vraiment délicieux pour accompagner cette cuisine. » Malgré les réserves de Nat, et même si je n'ai fait qu'y goûter, je n'ai ignoré aucune des portions gargantuesques que l'on nous a servies. Pas davantage la boisson à base d'ananas, aussi inattendue qu'elle ait pu être pour accompagner haricots, poulets et toutes sortes de ragoûts. Mais, comme chaque fois, ce dont je me suis le plus délecté, c'est de regarder Nathalie manger. Elle mange comme elle fait l'amour, avec une sensualité et un plaisir qui font qu'elle me surprend parfois la fourchette en l'air à la manger des yeux. Dans ces moments-là, les siens se font si tendres que je pourrais rester des heures à la regarder sans aucune conscience du temps qui passe. Mon initiation à la cuisine cubaine terminée, nous partons tout l'après-midi lézarder sur la même plage privée qu'avant-hier. Elle étreint un nouveau maillot, nouveau par la couleur, berthe, non par la forme, encore moins par la taille. L'océan est encore plus bleu que la dernière fois. Tout est aussi bleu que les yeux de Nathalie et que le rêve que je vis dans ce paradis. Nous avons joué dans les vagues comme des gamins, entrecoupant chaque baignade de longues pauses, assis dans l'eau, nos doigts mêlés dans le sable de la grève, à écouter battre nos cœurs en contrepoint du ressac. Inexorablement, mais comme à regret, tout triste de nous quitter, le soleil s'enfond derrière l'horizon. Une dernière douche à nous éclabousser et à rire sous les yeux amusés du plagiste et du barman, puis, la peau gorgée de soleil et le cœur en fête, nous rentrons à la villa. C'est notre dernière nuit. Demain, nous rentrons à Paris. Quelques fruits, une autre douche câline pour enlever les derniers grains de sable, et la nuit nous retrouve, nus entre les draps, l'immense baie ouverte sur un clair de lune presque aussi magique que celui de Barbizon. Face à cette féerie, je suis adossé à une pile de coussins et Nathalie vient se blottir contre moi. Je passe un bras autour de ses épaules et de ma main libre, l'effleurant du bout des doigts, je parcours son corps dans ses moindres recoins. Je souris. « Pourquoi souris-tu ? Pourquoi je... Mais comment sais-tu que je souris ? Tu ne me vois pas. Je n'ai pas besoin de te voir pour savoir que tu souris, je le sens. Alors, pourquoi souris-tu ? Ma main est remontée jusqu'à son sein gauche, parce que je pense qu'il ne reste aucune trace de notre débauche au Blue Velvet et de ton extra avec Mike. Rapide comme l'éclair, sa main file vers le bas de mon ventre et s'empare de la partie la plus sensible de mon anatomie. Sa voix n'est plus qu'un murmure. Dis encore une fois que je suis une débauchée et... Mon rire la surprend. Je ressens comme une crispation au bout de ses doigts fermement accrochés à ma virilité. Le ton se veut menaçant. Mais je sais bien que c'est un jeu. Enfin, j'espère. Es-tu inconscient à ce point ? Tu ne seras peut-être plus qu'un eunuque dans quelques secondes et ça te fait rire. Là, je suis sûr qu'elle joue. Je crois pouvoir affirmer sans forfanterie aucune qu'elle a autant besoin que moi des attributs qu'elle empoigne si fermement. Oui, d'autant que c'était un compliment. Ce sont des mots tels que « vertu »,« pudeur » et autres du même acabit qui depuis 2 mois sont devenus grossiers à mes oreilles. En tout cas, ils résonnent dans ma tête comme les synonymes de tristesse, de frustration et même d'infirmité. Sans lâcher sa prise, mais d'une voix qui ne peut masquer son trouble, elle s'étonne. Il va falloir remettre les sous-titres. Bien que très à l'étroit entre ses doigts qu'elle n'a pas desserré d'un millimètre, je complète « bien volontiers ». Et je vais même te donner une définition. Celle du dictionnaire pour le mot débauche est la suivante. La débauche est un usage jugé excessif et déréglé des plaisirs des sens. Elle resserre son étreinte imperceptiblement. Là, je crois que tu t'enfonces. Le calme que j'affecte se voudrait olympien, mais je crois bien que ma voix tremble un peu. Je suis à la frontière du plaisir que peut procurer une telle prise. Les mots ont un sens, et là, ce sens me paraît évident. Elle doit ressentir ma sincérité, mais aussi mon émotion lorsque je poursuis. Dans cette définition, un seul mot donne tout son sens à la phrase. C'est le mot « juger ». À cette affirmation sentencieuse, je ne peux que répliquer « Qui juge et qui décide ce qui est excessif et déréglé ?» Il en est certain pour qui la seule vue d'une cheville nue ou d'une chevelure lâchée sont des preuves indiscutables de débauche. Je sors de 18 ans de frustration. Je peux donc te dire que certains codes moraux ne sont rien d'autre que les portes des enfers. Nathalie a lâché sa prise et s'est redressée. Assise en tailleur, elle me regarde fixement. Je soutiens son regard. Alors oui, Nat, avec tout ce que cela comporte de fierté te concernant, de respect pour ceux qui ont été tes amants, je réaffirme que tu es une débauchée et que j'espère très fort que tu le resteras. Puisque tu me perçois si aisément, tu sais donc ce qu'a été la beauté des émotions que tu m'as fait vivre depuis qu'on se connaît. En fait, je n'étais pas à Barbizon, ni au chalet des Keys, pas plus qu'au Blue Velvet. J'étais dans un temple où j'ai eu le privilège d'être admis. Il y a en toi je ne sais quelle magie qui fait de chacune de tes étreintes le premier matin du monde. Si dans l'exercice de sa profession ou en public, Nathalie est parfaitement capable de maîtriser ses émotions, je sais qu'avec moi elle ne dissimule jamais rien. Elle est capable de passer du rire aux larmes et son visage est si expressif que la moindre nuance émotionnelle y transparaît. À cet instant, elle est si émue de ce que je viens de dire qu'elle ne peut plus parler. La main devant la bouche, je crois qu'elle peine à refouler ses larmes. Je prends ses mains. Ses lèvres tremblent. Elle balbutie. John. Comment fais-tu pour caresser mon cœur avec de simples mots? Si tu savais comme je t'aime. Je crois que je le sais, Nat. Tout autant que je t'aime. Elle vient s'allonger contre moi et nous restons un long moment à ne rien faire d'autre que nous caresser le visage et nous regarder en silence. Inutile de parler. J'entends ce que ses yeux me disent et tout comme moi, elle écoute les miens. Et puis, tout doucement, mes pensées reviennent à l'incident avec Mike la nuit dernière. J'hésite un instant, puis... J'ai une question. Nat se redresse, s'assied lentement et d'un coup de rein, se retrouve assis sur mes cuisses. Ses bras musclés plaquent mes épaules aux oreillers. Et quelle est cette question ? Ses yeux sont deux aigues marines qui me scrutent intensément. Je sais que tu es malheureuse avec ce qui s'est passé entre Mike et toi. De son côté, ça ne doit pas être mieux. Lui ne peut te joindre, mais il t'a donné une carte. Pourquoi ne pas l'appeler et lui dire que tu regrettes ? S'il est bien le gentleman que tu m'as décrit, il ne te laissera même pas terminer ta phrase et se confondra en excuses. C'est à mon avis le seul moyen de ne pas terminer ce séjour sur une fausse note. Elle réfléchit une seconde, puis m'ébouriffe les cheveux. Tu as raison, je vais l'appeler. Cela me fera un bien fou de m'excuser de l'avoir traité de cette façon, même s'il l'avait mérité. Ce « et » est un encouragement. Elle attend d'autres questions. Autre question. Comment expliques-tu ton absence de tendresse pour un homme ayant tant de charisme et pour lequel, de toute évidence, tu as beaucoup d'estime et de désir ? D'un petit mouvement de tête, elle ramène ses cheveux en arrière. Je n'ai pas d'explication. C'est quelqu'un d'élégant et cultivé. En la compagnie duquel je me sens bien. Un vrai gentleman, avec lequel il est très agréable de discuter. Seulement, en dehors du fait que je pourrais passer des heures à parler de tout et n'importe quoi avec lui, je ne me vois pas me blottir dans ses bras pour faire un câlin après un orgasme. J'adore caresser ses joues. Mon doigt s'attarde sur ses fossettes. De ce que j'en ai compris, en te donnant sa carte, il t'a dit prévoir être à Paris en juin ou, si tu le lui demandes, venir en 48 heures. Elle fronce les sourcils, mais à la palpitation des ailes de son nez, je vois bien que j'ai toute son attention. Elle prend un air détaché et me demande innocemment. Oui, et alors je ne lui laisse même pas le temps de finir sa phrase. Et alors, profites-en pour l'inviter à dîner. On dit qu'il y a deux endroits où se réconcilier, la table ou le lit. Je crois bêtement utile de préciser. La table pour les affaires, le lit pour l'amour. Je viens de jeter une allumette sur un bidon d'essence. En une nanoseconde, l'expression de son visage change et passe en mode prédation. Ses yeux ne sont plus que deux minces fentes au travers desquelles son regard bleu me fixe intensément. Elle se mordit les lèvres et dans un souffle à peine audible. Je suppose qu'il n'est pas envisageable de remplacer le « ou » par un « et ». Tout est possible, bien sûr. mais la sagesse commanderait de débuter par les agapes sans idées préconçues, ce qui vous laisserait le temps de vous détendre avant de passer à la suite. Oh, juste pour éviter un nouveau malentendu. Je retrouve son sourire avec ses fossettes. Et dire que c'est moi qui travaille dans une ambassade. Si un jour tu te lasses de la canne à sucre, tu pourras sans problème te reconvertir dans la diplomatie. Elle me couvre le visage de petits baisers. Jesus, John Rin, comment voulais-tu que je ne tombe pas amoureuse de toi? Je ne sais de quelle galaxie tu viens. Tu ne connais même pas Mike et tu proposes une solution qui correspond exactement à sa sensibilité et à la mienne. Je prends son visage entre mes mains et ses lèvres dans un baiser qui fait monter dans ma poitrine une boule de tendresse que je n'ai jamais ressentie et ne ressentirai jamais qu'avec elle. Très certainement de la même galaxie que toi. Et si je ne connais pas Mike, toi je te connais. Je ressens donc d'instinct ce qui fera de votre réconciliation un merveilleux moment. Elle se laisse aller contre ma poitrine puis glisse doucement sur le côté pour se blottir contre moi. Je ferme les yeux, caresse ses épaules et respire l'odeur de ses cheveux. Comme tu le dis souvent, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des opportunités qui se présentent à nous. Ensuite, c'est notre libre arbitre qui fait le reste. Au Blue Velvet, nous avons vécu quelque chose de très beau. Il y a eu cette rencontre inattendue avec Mike qui a, disons, mal tourné. C'est l'occasion d'écrire une autre page de notre histoire. Je sens son souffle tiède dans mon cou. C'est aussi ce que je ressens. Tu as raison. Je l'appelle demain pour m'excuser. Et si sa réaction est positive, je lui dis que dès notre retour à Paris, nous faisons le point pour juin. Elle se redresse, plonge ses yeux au fond des miens et caresse mes lèvres du bout des doigts. Cette nuit, j'ai rêvé de toi, de Gabriel, de certains de mes partenaires au campus de Rochester, ceux du Saphir et aussi de la rue d'Onou. Tout était un peu confus. Une seule chose était claire, nette. Entre nous, un lien s'était créé, et peut-être même existait-il déjà avant notre rencontre. C'était un lien... Je pose un doigt sur ses lèvres et continue sa phrase. Un lien qui fait que nous sommes toujours ensemble, où que nous soyons. Ne me demande pas comment, je le sais. Je le sais, c'est tout. Sa bouche s'entr'ouvre, ses yeux se ferment, ses doigts se posent sur mon visage et descendent lentement sur ma poitrine, puis sur mon ventre, et de là... parcourt tout mon corps comme si elle voulait l'apprendre. Sans que je m'en rende compte, je fais les mêmes gestes. Mes mains viennent sur ses épaules et les yeux fermés, je la caresse doucement. Nous nous sommes endormis baignés dans la lumière de la lune et ce n'est qu'au matin qu'encore engourdis, nos corps se sont cherchés.